comme ça qu'elle est devenue Jada. Une diablesse qui s'habille en Prada. C'est les hommes qui les changent en Jada. Une robe à fleurs avec de belles vanilles. Elle rêve qu'un homme lui donne son nom de famille. Lui il avait d'autres plans et lui disait ce qu'elle voulait entendre. Tu connais bien sûr qu'il lui ment. Elle se rend compte qu'elle n'est qu'un plan. C'est comme ça qu'elle est devenue Jada. Une diablesse qui s'habille en Prada. C'est les hommes qui les changent en Jada. En plus elle a des problèmes avec Baba. C'est comme ça qu'elle est devenue Jada. Une diablesse qui s'habille en Prada. C'est les hommes qui les changent en Jada. En plus elle a des problèmes avec Baba. Devenue Dengao. Olara du Dengao. Belle me Dengao. Quand tu vas me blesser les Dengao. Devenu Dengao. On l'a rendu Dengao. Belle me Dengao. Quand une femme est blessée, les Dengao. Que Dieu nous préserve d'être fragile comme Will. Que Dieu nous préserve d'avoir une femme comme elle. Je sais pas si tu te rends compte, si t'entends ce qu'on raconte. Elle ne compte que sur ton compte, elle ne connaît pas la honte. Comporte-toi en homme et t'auras une vraie femme. On préfère être dans le love plutôt qu'être dans le sale. Regarde-toi, t'es maigre, on ne voit que tes cernes. La go te fait souffrir, tu risques de prendre du ferme. Elle-même, elle est perdue, je te jure qu'elle n'a pas peur de Dieu. On veut juste te conseiller, au pire, on vous laissera vous deux. Mon ami, je sais c'est dur, mais laisse-la se casser la gueule. De toute façon, si tu forces, bah tu finiras seul. Et son baba lui a dit t'as fait ton choix. Je ne veux plus te revoir. Et ne reviens plus chez moi. À cause de celle-là plus de sentiments. C'est comme ça qu'elle est devenue Jada. Une diablesse qui s'habille en Prada. C'est les hommes qui les changent en Jada. En plus elle a des problèmes avec Baba. C'est comme ça qu'elle est devenue Jada. Une diablesse qui s'habille en Prada. C'est les hommes qui les changent en Jada. En plus elle a des problèmes avec Baba. C'est comme ça qu'elle est devenue Jada. Une diablesse qui s'habille en Prada. C'est les hommes qui les changent en Jada. En plus elle a des problèmes avec Baba. Devenue Dengao. On l'a rendu Dengao. Belle me Dengao. Quand une femme est blessée les Dengao. Devenue Dengao. On l'a rendu Dengao. Belle me Dengao. Quand une femme est blessée les Dengao.